Lettre M du dictionnaire des idées reçues. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christian. Dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert. Lettre M. Macadam a supprimé les révolutions. Plus moyen de faire des barricades. Est néanmoins bien incommode. Macaroni doit se servir avec les doigts quand il est à l'italienne. Machiavel. Ne pas l'avoir lu, mais le regarder comme un scélérat. Machiavélisme. Mot qu'on ne doit prononcer qu'en frémissant. Macintosh. Philosophe écossais, l'inventeur du caoutchouc. Maestro, mot italien qui veut dire pianiste. Magie, s'en moquer. Magistrature, belle carrière pour se marier. Magistrat tous pédérastes. Magnétisme, joli sujet de conversation et qui sert à faire des femmes. Maillot, très excitant. Main. Avoir une belle main, c'est écrire bien. Mère de village. Toujours ridicule. Se croit insulté quand on l'appelle échevin. Major. Ne se trouve plus que dans les tables d'hôtes. Malade. Pour remonter le moral de malade, rire de son affection et nier ses souffrances. Maladie des nerfs. Toujours des grimaces. Mal de mer. Pour ne pas l'éprouver, il suffit de penser à autre chose. Malédiction. Toujours donné par un père. Malthus. L'infâme Malthus. Mameluc. Ancien peuple de l'Orient, Égypte. Mandoline. Indispensable pour séduire les Espagnols. Manteau. Toujours couleur de muraille pour les équipées galantes. Marbre. Toute statue est en marbre de Paros. Marseillais. Tous gens d'esprit. Martyr. Tous les premiers chrétiens l'ont été. Masque. Donne de l'esprit. Matelas. Plus il est dur, plus il est hygiénique. Matérialisme. Prononcer ce mot avec horreur en appuyant chaque syllabe. Mathématiques. Dessèche le cœur. Matinal. L'être, preuve de moralité. Si l'on se couche à 4 heures du matin et qu'on se lève à 8, on est paresseux. Mais si l'on se met au lit à 9 heures du soir pour en sortir le lendemain à 5, on est actif. Maxime, jamais neuve, mais toujours consolante. Mazarinade, les mépriser, inutile d'en connaître une seule. Mécanique, partie inférieure des mathématiques. Médaille, on n'en faisait que dans l'Antiquité. Médecine, sans manquer quand on se porte bien. Mélancolie, signe de distinction du cœur et d'élévation de l'esprit. Mélodrame, moins immoraux que les drames. Melon, joli sujet de conversation à table. Est-ce un légume? Est-ce un fruit? Les Anglais les mangent au dessert, ce qui étonne. Mémoire, se plaindre de la sienne et même se vanter de n'en point avoir. Mais rugir si on vous dit que vous n'avez pas de jugement. Ménage. En parler toujours avec respect. Mendicité. Devrait être interdite et ne l'est jamais. Méphistophélique. Doit se dire de tout rire amer. Mère. N'a pas de fond. Image de l'infini. Donne de grandes pensées. Au bord de la mer, il faut toujours avoir une longue vue. Quand on la contemple, toujours dire « Que d'eau, que d'eau !» Mercure tue la maladie et le malade. Méridionaux, les. Tous poètes. Message. Plus noble que l'être. Métallurgie. Très chic. Métamorphose. Rire du temps où on y croyait. Ovide en est l'inventeur. Métaphore. Il y en a toujours trop dans le style. Métaphysique. En rire. C'est une preuve d'esprit supérieur. Méthode. Ne sert à rien. Mexique. La guerre du Mexique est la plus grande pensée du règne. Rouer. Midi. Cuisine du. Toujours à l'ail. Tenez contre. Ministre. Dernier terme de la gloire humaine. Minuit. Limite du bonheur et des plaisirs honnêtes. Tout ce qu'on fait au-delà est immoral. Minute. On ne se doute pas comme c'est long, une minute. Missionnaire. Sont tous mangés ou crucifiés. Mobilier. Tout craindre pour son mobilier. Moineau. Fils de moine. Monarchie. La monarchie constitutionnelle est la meilleure des républiques. Monopole. Tonner contre. Monstre. On n'en voit plus. Montre. N'est bonne que si elle vient de Genève. Dans les féeries, quand un personnage tire la sienne, ça doit être un oignon. Cette plaisanterie est infaillible. Votre montre va-t-elle bien? Elle règle le soleil. Mosaïque. Le secret en est perdu. Mouchard. Tous de la police. Mouche. Puer abigué mouscas. Moule. Toujours indigeste. Moulin. Fait bien dans un paysage. Moustache. Donne l'air martial. Moustique. Plus dangereux que n'importe quelle bête féroce. Moutarde. Il n'y a de bonne moutarde qu'à Dijon. Ruine l'estomac. Muscle. Les muscles des hommes forts sont toujours en acier. Musée. De Versailles, retrace les hauts faits de la gloire nationale. Belle idée de Louis-Philippe. Du Louvre, à éviter pour les jeunes filles. Dupuytren, très utile à montrer aux jeunes gens. Musicien. Le propre du véritable musicien, c'est de ne composer aucune musique, de ne jouer d'aucun instrument et de mépriser les virtuoses. Musique. Fait penser à un tas de choses. Adoucit les mœurs. Exemple, la Marseillaise. Fin de la lettre M.